Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 83. De la prière. La prière, acte de la raison et de la religion, est nécessaire. Qui faut-il prier? Que faut-il demander dans la prière? Pour qui faut-il prier? Examen des sept demandes de l'oraison dominicale. Les saints prient-ils pour nous? De la prière vocale, de l'attention, du temps que doit durer la prière. Mérite de la prière. La prière des pécheurs. Les quatre parties de l'oraison. 1. La prière est-elle un acte de la puissance appétitive? Non, la prière est un acte de la raison. Et c'est même de là que l'oraison tire son nom, oris ratio, qui marque que la raison s'exprime par la bouche. En effet, demander implique, aussi bien que commander, un acte de l'esprit qui rapproche, combine et coordonne les moyens d'obtenir une fin. Par conséquent, apprendre l'oraison ou la prière dans le sens de supplication et de demande, elle est évidemment un acte de la raison. Note. La prière a le désir de la volonté pour cause, mais elle en est l'interprète. Saint Jean Damascène l'a défini, l'élévation de notre esprit vers Dieu. Fin de la note. 2. Est-il convenable de prier? Le Seigneur a dit, il faut prier et ne se lasser jamais. Luc 18, 1. Donc il est convenable de prier. Les philosophes de l'Antiquité ont émis trois erreurs sur ce sujet. Les uns, supposant que les choses humaines ne sont point gouvernées par la Providence, ont considéré la prière et le culte divin comme inutiles. Le prophète Malachie leur adresse cette parole, « C'est vous qui avez dit, en vain l'on sert Dieu. » Malachie 3:14. D'autres, s'imaginant que, soit par l'immutabilité de la providence divine, soit par l'influence irrésistible des astres, soit par l'enchaînement nécessaire des causes secondes, tout arrive fatalement, on nie encore l'utilité de la prière. D'autres enfin, professant la foi à la providence et repoussant le système de la fatalité, ont soutenu que, les desseins de Dieu étant variables, la prière et le culte peuvent les changer. Nous avons réfuté les uns et les autres dans la première partie de cet ouvrage. Il nous reste à établir l'utilité de la prière, sans soumettre à la nécessité les choses humaines régies par la Providence, et sans admettre aucun changement dans les desseins de Dieu. Les lois de la divine providence embrassent non seulement les effets, mais encore leurs causes et l'ordre dans lequel ils doivent paraître. Or dans les causes de plusieurs effets se trouvent les actes humains. Il faut, en conséquence, que l'homme fasse certaines actions, non pour changer les desseins de Dieu, mais pour amener les effets qui, d'après l'ordre divinement établi, s'y rattachent. Les causes physiques elles-mêmes ne remplissent pas un autre rôle. Cela étant, nous prions Dieu, non pour changer ses desseins, mais pour obtenir ce qui doit être l'effet de nos demandes. Nous prions, dit saint Grégoire, afin que, par nos supplications, nous méritions de recevoir ce que le Tout-Puissant a résolu, dans l'éternité, d'accorder à nos prières. Note. Dieu connaît nos nécessités, mais il veut que nous sentions le besoin que nous avons de son secours. Tout en nous accordant, par sa libéralité, beaucoup de choses que nous n'avons pas demandées, il se réserve de n'accorder les autres qu'à nos prières. Il veut par là nous porter à recourir à lui, exciter notre confiance en sa providence, et nous apprendre qu'il est l'auteur de tous nos biens. 3. La prière est-elle un acte de la religion? La religion, rendant à Dieu le respect et l'honneur que nous lui devons, embrasse tout ce qui est propre à l'honorer. Or il est évident que l'homme honore Dieu par la prière, car il se soumet à lui et professe qu'il a besoin d'être secouru par l'auteur de tous les biens. La prière est donc un acte de la religion. Note. Par la prière, l'homme livre son esprit à Dieu, et, le lui soumettant avec respect pour l'honorer, il le lui présente en quelque sorte comme une offrande. Autant l'esprit humain l'emporte sur les membres du corps et sur les choses extérieures qu'il emploie au culte de Dieu, autant la prière l'emporte sur tous les autres actes de la religion. Fin de la note. 4. Ne devons-nous prier que Dieu seul? On peut adresser des prières à quelqu'un pour qu'il les exauce lui-même, ou pour qu'il les fasse exaucer par un autre. Nous n'adressons les nôtres qu'à Dieu de la première manière, car elles doivent toutes avoir pour fin la grâce ou la gloire, que lui seul donne, ainsi que le marque cette parole, le Seigneur donnera la grâce et la gloire. Psaume 82, 12. Mais nous pouvons prier les anges et les saints pour que, par leur mérite et par leur intercession, ils fassent exaucer nos prières. Il est écrit, la fumée des parfums composés des prières des saints s'élève des mains de l'ange devant Dieu. Apocalypse 8, 4. On voit par cette distinction pourquoi l'Église nous fait dire à Dieu, Seigneur, ayez pitié de nous, et aux saints, priez pour nous. 5. Devons-nous demander à Dieu des choses déterminées? Socrate, dit Valère Maxime, pensez que l'on doit se borner à demander aux dieux immortels ce qui est bon, parce qu'ils savent ce qui est utile à chacun de nous, tandis que nous désirons souvent des biens qui nous seraient funestes. Socrate était dans le vrai pour les choses qu'il désignait lui-même, les richesses, les honneurs, le pouvoir, un brillant mariage, dont l'issue peut être bonne ou mauvaise, à raison de l'usage que l'on en fait. Mais les autres biens qui ne sauraient avoir aucune suite fâcheuse, vu qu'il nous est impossible d'en abuser, à savoir, le bonheur du ciel et les grâces qui le font mériter, nous pouvons les demander d'une manière absolue dans nos prières. Montrez votre face, et nous serons sauvés. Disait à Dieu le roi prophète, psaume 79, 4. Conduisez tous mes pas dans le sentier de vos commandements, psaume 118, 35. 6. Peut-on demander à Dieu les biens temporels? Le sage a fait cette prière, donnez-moi, Seigneur, ce qui est nécessaire à ma nourriture. Proverbe 30, 8. On peut demander à Dieu ce qu'il est permis de désirer, or il est permis de souhaiter les biens de la terre comme des moyens qui, en soutenant notre corps et en contribuant à nos actes de vertu, nous aideront à parvenir au bonheur du ciel. Nous pouvons donc les demander dans nos prières. Saint Augustin, écrivant à Proba, disait, celui-là n'est pas à blâmer qui veut les biens temporels, non pour les biens eux-mêmes, mais pour les forces de son corps et pour les convenances de sa position sociale. Il faut en demander la conservation quand on les a, et l'acquisition quand on ne les a pas. Note. En recherchant les biens temporels pour s'y complaire, l'esprit s'abaisse vers la terre. En les recherchant pour le ciel, ils s'élèvent. Le Sauveur n'a défendu que la sollicitude excessive et désordonnée. Fin de la note. 7. Devons-nous prier pour les autres? Priez les uns pour les autres, dit Saint Jacques 5, 16, afin que vous soyez sauvés. Il faut demander à Dieu ce que l'on doit désirer. La charité, qui nous oblige à souhaiter le bien des autres, nous oblige aussi à prier pour eux. La nécessité, selon la pensée de Saint Chrysostome, nous force de prier pour nous-mêmes, et la charité fraternelle nous invite à prier pour le prochain. La prière la plus agréable à Dieu n'est pas celle que la nécessité lui adresse, c'est celle que lui présente la charité. Note. Voilà pourquoi, dans la prière que le Seigneur nous a enseignée, nous disons « Notre Père » et non pas « Mon Père, donnez-nous » et non pas « Donnez-moi ». Le souverain maître de l'union n'a pas voulu que nous prions séparément dans nos oraisons particulières, il veut qu'une seule âme prie pour toutes les autres, qu'il a portées dans la sienne. Quoique nos prières ne soient pas toujours exaucées, elles sont toujours méritoires pour nous, selon cette parole, « Ma prière reviendra dans mon sein », psaume 34, 13, ce qui signifie « Si ma prière ne leur est pas utile, j'en recevrai au moins la récompense. » Nous devons prier pour les pécheurs, afin qu'ils se convertissent, et pour les justes, afin qu'ils persévèrent et fassent des progrès dans le bien. Il est indubitable que plusieurs prières réunies touchent le cœur de Dieu plus efficacement qu'une seule. Fin de la note. 8. Devons-nous prier pour nos ennemis? Le Seigneur a dit, « Priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. » Matthieu 5, 44. Nous devons prier pour nos ennemis de la même manière que nous devons les aimer. Nous avons prouvé ailleurs, question 55, 8, que, c'est un précepte de les aimer en général, mais que, à part la disposition où nous devons être de les aider dans la nécessité ou de recevoir leurs excuses, c'est une œuvre uniquement de perfection de les aimer en particulier et de leur rendre des services. Il est donc nécessaire de ne point les excepter dans les prières générales que nous faisons pour notre prochain, mais prier spécialement pour eux est un acte de perfection, et non un précepte, si ce n'est dans des cas particuliers. Note. Contre la nécessité de prier pour nos ennemis, on aurait tort d'alléguer l'autorité des saints qui ont demandé à Dieu de les venger de leurs persécuteurs. La vengeance des saints n'est autre que la destruction du règne du péché et l'accomplissement de la justice divine. Après tout, de même qu'il est permis de combattre ses ennemis dans le but d'arrêter leur violence, il est pareillement d'appeler sur eux des maux temporels qui les fassent rentrer en eux-mêmes. Fin de la note. 9. Les sept demandes de l'oraison dominicale sont-elles convenablement énoncées? L'oraison dominicale est une prière très parfaite, l'autorité du Christ, qui l'a composée, en est une preuve assurée. Quiconque prie comme il faut exprime de toute nécessité les demandes qu'elle contient, car on y trouve tout ce que nous pouvons désirer et l'ordre dans lequel nous devons le désirer. En effet, nous souhaitons d'abord notre fin, et ensuite les moyens d'y arriver. Notre fin, c'est Dieu, vers lequel notre cœur s'élève de deux manières, en voulant sa gloire, ce qui revient à l'aimer pour lui-même, et en désirant la posséder, ce qui rentre dans la charité par laquelle nous nous aimons en Dieu. Au désir de voir éclater la gloire de Dieu correspond cette première demande, que votre nom soit sanctifié. À celui de la posséder répond la deuxième, que votre règne arrive. Les demandes qui suivent ont rapport aux moyens propres à nous conduire directement et indirectement à notre fin. Les moyens principaux et directs sont l'obéissance à la volonté de Dieu, de là cette demande, que votre volonté soit faite en la terre comme au ciel, puis le secours nécessaire pour mériter le ciel, et auquel revient la quatrième demande, Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Les moyens indirects et secondaires se résument dans l'éloignement des obstacles qui pourraient nous écarter du ciel. Or, ces obstacles sont au nombre de trois. Le premier est le péché, conformément à cette parole, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les sacrilèges ne posséderont le royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, 9. Ici se présente la cinquième demande, pardonnez-nous nos offenses. Le deuxième, c'est la tentation, qui empêche d'accomplir la volonté divine, et c'est à elle que se rattache la sixième demande, ne nous induisez pas en tentation. Enfin, le troisième obstacle, ce sont les peines que l'on rencontre dans les sentiers de la vie, d'où la septième et dernière demande, délivrez-nous du mal. 1. Que votre nom soit sanctifié, connu, aimé et reconnu comme saint par tout le genre humain. 2. Que votre règne arrive, régnez en nous, et faites-nous régner avec vous. 3. Que votre volonté soit faite en la terre comme au ciel. Que vos préceptes soient observés par les hommes sur la terre, comme ils le sont dans le ciel par les anges et par les saints. 4. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, soit le pain sacramentel, soit le pain corporel, notre pain supersensiel, celui qui suit ou celui du lendemain. 5. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, nos péchés, et faites-nous la grâce de pardonner nous-mêmes aux prochains. 6. Ne nous induisez pas en tentation, ne permettez point que nous succombions aux épreuves que vous nous enverrez. 7. Délivrez-nous du mal, des peines et des misères de cette vie. Note. Le préambule, notre Père qui est dans les cieux, a pour but d'exciter notre confiance par la considération de l'amour que Dieu a pour nous et par la vue de la supériorité de sa puissance. Fin de la note. 10. La prière est-elle exclusivement propre à la créature raisonnable? La prière, acte de la raison par lequel on supplie un supérieur, ne convient qu'à l'être raisonnable soumis à un supérieur. Les personnes divines n'ont pas de supérieur, les animaux n'ont pas la raison, donc la prière ne convient ni aux personnes divines, ni aux êtres privés de raison. Donc encore elle est exclusivement propre à la créature raisonnable. Note. Pourquoi donc le Fils de Dieu disait-il, je prierai mon Père, Jean 14, 16. Le Fils de Dieu prie comme homme et non comme Dieu. Cette parole de l'apôtre, le Saint-Esprit prie pour nous, signifie que le Saint-Esprit nous porte à prier. Si l'Écriture nous dit encore que les petits des corbeaux invoquent Dieu, c'est pour marquer le désir naturel qui porte tous les êtres à vouloir, chacun selon leur nature, participer à la bonté divine. Fin de la note. 11. Les saints du ciel prient-ils pour nous? On lit dans le deuxième livre des Maccabées, celui-là est le prophète Jérémie qui prie beaucoup pour le peuple et pour toute la ville sainte. 2. Maccabées 15, 14. Les saints du ciel prient d'autant plus pour nous, voyageurs ici-bas, que leur charité est plus parfaite, et leurs prières sont d'autant plus efficaces qu'ils sont unis à Dieu par des liens plus intimes. Tel est l'ordre établi par la divine providence que l'excellence des êtres supérieurs rejaillit sur les inférieurs, comme la clarté du soleil dans les airs. Aussi est-il dit de Jésus-Christ, il peut perpétuellement sauver ceux qui s'approchent de Dieu par son entremise, étant toujours vivant pour nous servir d'intercesseur. Hébreux 7, 25. Et saint Jérôme écrit à Vigilancius, si les apôtres et les martyrs, encore enveloppés de leur corps et obligés de songer à leur propre salut, priaient pour les autres, à combien plus forte raison ne doivent-ils pas prier, maintenant qu'ils sont couronnés, victorieux et triomphants? Note. L'efficacité de la prière des saints vient de deux sources, des mérites qu'ils ont acquis sur la terre, et de la bonté divine qui reçoit leurs supplications. Ils obtiennent ce que Dieu veut accomplir par le moyen de leur prière, et ils demandent ce qu'ils savent que Dieu veut accorder à leur intercession. Dieu veut que les êtres inférieurs soient aidés et secourus par tous les êtres supérieurs. Nous devons donc invoquer non seulement les plus grands saints, mais ceux qui occupent un rang moins sublime, autrement, il ne faudrait prier que Dieu seul. Il est remarquable que l'invocation d'un saint inférieur est quelquefois plus efficace que celle d'un autre plus élevé, soit parce qu'on l'invoque avec plus de ferveur, soit parce que Dieu veut manifester sa sainteté. Fin de la note. 12. La prière doit-elle être vocale? Il y a deux sortes de prières, la prière publique et la prière particulière. La prière publique doit être connue de tout le peuple pour lequel elle est faite, ce qui n'est possible que tant qu'elle est vocale. C'est avec sagesse que l'Église a enjoint à ses ministres de prononcer les prières publiques à haute voix, pour qu'elles arrivent à la connaissance de tous les fidèles. Les prières d'une personne privée ne sont pas essentiellement vocales, mais on y joint la parole, pour trois raisons. D'abord, pour s'exciter soi-même à la dévotion intérieure, efforçons-nous, dit saint Augustin, d'éveiller en nous les pieux désirs par des paroles et par des signes, ensuite, pour consacrer à Dieu tout ce qu'on a reçu de lui, le corps aussi bien que l'âme, enfin, parce qu'il est naturel que l'âme, vivement affectée, exerce une action sur les organes du corps, comme le marque cette parole, « Mon cœur s'est réjoui, et ma langue a chanté des cantiques. » Psaume 15, 9. Note. Dans la prière particulière, quand les mots et les signes distraient l'esprit ou l'arrêtent dans son essor, on doit y renoncer. Il est hors de doute que les paroles qui expriment des choses conformes à la dévotion excitent à la piété, surtout les âmes peu dévotes. Fin de la note. 13. L'attention est-elle nécessaire à la prière? Le mot nécessaire a deux significations. Il désigne d'abord le moyen qui aide à parvenir plus sûrement à une fin. Sous ce rapport, l'attention est nécessaire à la prière. On l'emploie ensuite pour caractériser ce sans quoi on ne peut produire aucun effet. Or les effets de la prière sont au nombre de trois. Le premier, c'est le mérite, commun à tous les actes inspirés par la charité. À cet égard, l'attention continuelle n'est pas d'absolue nécessité. La vertu de la première intention par laquelle on veut prier rend toute la prière méritoire, ainsi en est-il de toutes les autres bonnes œuvres. Le second effet de la prière lui est propre, c'est l'impétration. Pour être exaucé, il suffit encore de la première intention, que Dieu considère spécialement, mais, si elle fait défaut, la prière n'est ni méritoire, ni écoutée. Le troisième effet de la prière est la nourriture spirituelle de l'âme, pour laquelle l'attention est nécessaire. Saint Paul disait, « Si ma langue seule prie, mon âme est sans fruit. » 1 Corinthiens 14, 14. Observons maintenant que, dans la prière vocale dont nous parlons principalement, on peut être attentif de trois manières. Il est une attention qui s'attache à bien prononcer les paroles, l'autre qui cherche à en pénétrer le sens, La troisième se porte vers Dieu et vers les choses qu'on lui demande. Cette dernière, dont tous les fidèles, même les plus simples, sont capables, est la plus nécessaire, elle est parfois si puissante qu'elle fait oublier tout le reste. Note. Celui qui s'est mis en prière par le mouvement du Saint-Esprit, prie en esprit et en vérité, bien que son âme, se retournant vers les choses terrestres par l'effet de sa propre misère, se laisse aller à des pensées étrangères. Selon cette parole de David, « Mon cœur m'a délaissé », telle est la faiblesse de la nature humaine que les saints eux-mêmes ne sont pas exempts de ces sortes de distractions. Les distractions volontaires sont un péché qui détruit l'effet de nos prières, mais celles qui sont indélibérées ne les rendent pas infructueuses. Affaibli par le péché, vous ne pouvez, dit saint Basile, fixer votre esprit, mais, pourvu que vous fassiez votre possible pour le retenir, Dieu vous pardonne de n'être pas en sa présence comme il convient. C'est l'effet de votre faiblesse et non de votre négligence. Fin de la note. 14. La prière doit-elle être de longue durée? Il faut, nous dit le Seigneur, toujours prier et ne point se lasser. Luc 18, 1. Priez sans cesse, écrivait saint Paul aux Thessaloniciens. 1, 5, 17. La prière, considérée dans sa cause qui n'est autre que le désir de la charité par laquelle nous devons rapporter toutes nos actions à la gloire de Dieu, doit être continuelle. Aussi saint Augustin observe que la foi, l'espérance et la charité sont en nous une prière perpétuelle par les bons désirs que ces vertus ne cessent d'y produire. Il n'en est plus ainsi quand on considère la prière en elle-même. Nous sommes astreints à d'autres devoirs, mais il faut qu'à certaines heures et après un certain intervalle de temps, nous ayons recours à la prière, même vocale, afin de nous avertir nous-mêmes des progrès que nous avons à faire dans les bons désirs, de constater ceux que nous avons déjà faits, et de nous exciter plus vivement à la piété. Chaque chose devant être proportionnée à sa fin, comme une médecine à l'état d'un malade, il convient que la prière dure autant qu'elle entretient la ferveur du désir intérieur. Lorsque, dépassant cette mesure, elle cause le dégoût et l'ennui, il faut la cesser. Les pères du désert faisaient des prières fréquentes, mais courtes, dans la prière publique. Il faut tenir compte aussi de la dévotion du peuple. Note. Dire que la prière ne doit pas se répandre en paroles, ce n'est pas dire qu'il ne faut pas prier longtemps. Notre Seigneur, pour nous donner l'exemple, a passé des nuits en prière. Prier longtemps, c'est frapper longtemps, par des affections pieuses et persévérantes, à la porte de celui que l'on invoque. Prier continuellement, c'est prier à des heures réglées et n'y jamais manquer, être toujours animé de bons désirs, et conserver une pieuse affection après l'oraison, c'est aussi faire en sorte, par nos bienfaits, que les autres prient pour nous pendant que nous ne sommes point nous-mêmes en prière. Fin de la note. 15. La prière est-elle méritoire? La prière, indépendamment de la réfection spirituelle de l'âme, a la vertu de mériter et d'obtenir. La vertu de mériter lui vient de la charité, par l'intermédiaire de la religion, de la foi et de l'humilité. La vertu d'obtenir, elle la doit à la grâce de Dieu, qui nous excite lui-même à prier. Dieu, dit saint Augustin, ne nous exhorterait pas à demander, s'il ne voulait pas nous exaucer. Note. La prière n'est rigoureusement méritoire que chez l'homme en grâce avec Dieu. Le mérite ayant principalement pour objet la béatitude, Il peut arriver que le fidèle qui prie mérite la gloire du ciel, quoiqu'il ne soit point exaucé dans sa demande, le médecin sait mieux ce qui convient au malade que le malade lui-même. Pourquoi saint Paul ne fut-il pas exaucé quand il demanda à être délivré de l'aiguillon de la chair? Parce que cela ne lui était pas utile pour le ciel. Si vous demandez quelquefois et ne recevez pas, dit saint Basile, c'est que vous demandez mal, ou que vous demandez ce qui ne vous est pas utile, ou que vous ne persévérez pas. Quatre conditions sont requises pour obtenir infailliblement ce que l'on demande, prier pour soi-même, avec piété, avec persévérance, et demander des choses utiles au salut. Fin de la note. 16. Les pécheurs obtiennent-ils quelque chose par la prière? Si Dieu n'exauçait les pécheurs, le publicain aurait dit en vain, « Seigneur, soyez-moi propice, à moi pauvre pécheur. » Cependant il fut justifié. Il faut considérer, dans les pécheurs, la nature humaine, qui est aimée de Dieu, et le péché, qui en est détesté. Si le pécheur prie comme pécheur, avec le désir du péché, Dieu l'exauce quelquefois, non par miséricorde, mais par vengeance, en le laissant s'enfoncer plus avant dans ses désordres. Saint Augustin remarque que Dieu accorde dans sa colère des choses qu'il refuse dans sa bonté. Au contraire, lorsque le pécheur prie d'après les bons sentiments de sa nature, Dieu l'exauce, non par justice, car aucun homme ne mérite rigoureusement dans l'état du péché, mais par miséricorde, pourvu que ce pécheur demande, avec dévotion et persévérance, des choses nécessaires à son propre salut. Note. On lit dans l'Évangile, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Jean 9, 31. Mais qui a prononcé ces paroles? Un aveugle avant sa parfaite guérison spirituelle. Les proverbes enseignent que la prière du pécheur est exécrable. Proverbe 28, 9. Rien n'est plus vrai, quand le pécheur prie comme pécheur. Mais un homme, tout pécheur qu'il soit, peut demander des choses conformes à la religion, et alors, bien que sa prière ne soit pas rigoureusement méritoire, elle peut être exaucée, car le mérite repose sur la justice, mais l'impétration vient de la grâce. Fin de la note. 17. Les parties de l'oraison sont-elles, la prière, la demande, l'obsécration et l'action de grâce? L'apôtre saint Paul, dont l'autorité est suffisante, établit lui-même cette division. 1 Timothée 2 1 L'oraison implique essentiellement la prière ou l'élévation de l'esprit vers Dieu, la demande, l'obsécration ou les raisons de la demande, et l'action de grâce. Nous trouvons ces quatre parties de l'oraison dans la collecte suivante de l'Office de la Trinité, Dieu Tout-Puissant et Éternel, élévation de l'esprit vers Dieu, prière, qui avait donné à vos serviteurs, action de grâce, accordez-nous, s'il vous plaît. Demande. Par notre Seigneur Jésus. Obsécration. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.